Chapitre 14. Le lendemain du jour où les événements précédents s'étaient accomplis, l'archiduc, toujours vêtu de son grand uniforme, car il poussait la manie militaire jusqu'à ses dernières limites, se trouvait dans son cabinet vers les 2 heures de l'après-midi. L'un de ses aides de camp, homme de 40 ans environ, d'une physionomie calme, résolue, se tenait debout devant la table de l'autre côté de laquelle le prince était assis, occupé à écrire, l'air plus soucieux, plus sévère et plus hautain encore que d'habitude. Tout en écrivant et sans lever les yeux sur l'officier, il lui dit « Le capitaine Blum est resté auprès du comte Franz ?»« Oui, monseigneur. »« Vous venez de voir le médecin ?»« Oui, monseigneur. » »« Que pense-t-il de l'état du comte ?»« Il le trouve plus satisfaisant, monseigneur. » »« Croit-il que le comte Franz puisse supporter sans aucun danger les fatigues du voyage ?» « Oui, monseigneur. »« Major Butler, vous allez donner ordre à l'instant de faire préparer une de mes voitures de voyage. »« Oui, monseigneur. »« Ce soir, à 6 heures, vous partirez avec le comte Franz. »« Voici l'itinéraire de votre route, » ajouta le prince en remettant à son aide de camp la note qu'il venait d'écrire. Puis il reprit. « Major Butler, vous n'attendrez pas longtemps les marques de ma satisfaction. Si vous accomplissez avec votre dévouement et votre fermeté ordinaire, la mission dont je vous charge. Votre Altesse peut compter sur moi. Je le sais, mais je sais aussi qu'une fois revenu de son premier abattement, et n'étant plus contenu par son respect et son obéissance pour moi, le comte Franz tâchera certainement d'échapper à votre surveillance pendant la route, afin de regagner Paris à tout prix. Si ce malheur arrivait, monsieur, prenez garde, tous mes ressentiments tomberaient sur vous. Je suis certain que je n'aurai pas à démériter des bontés de votre Altesse. Je l'espère, monsieur. N'oubliez pas d'ailleurs de m'écrire 2 fois par jour jusqu'à votre arrivée à la frontière. Je n'y manquerai pas, monseigneur. À votre arrivée sur le territoire des provinces rhénanes, vous remettrez cette dépêche à l'autorité militaire. Oui, monseigneur. Le terme de votre voyage atteint, vous me le ferez savoir et vous recevrez de moi de nouveaux ordres. À ce moment, le prince, ayant entendu frapper légèrement la porte, dit au major « Voyez ce que c'est !» Un autre aide-de-camp remit à l'officier une lettre en lui disant tout bas « Monsieur l'envoyé du Mexique vient de me remettre cette lettre pour son Altesse. » Et l'aide-de-camp sortit. Le major alla présenter la lettre au prince et lui dit de quelle part elle venait. « Je vous recommande de nouveau la plus grande surveillance, major Butler, » reprit l'archiduc, en mettant la lettre de l'envoyé mexicain à côté de lui sans l'ouvrir encore. « Vous me répondez de conduire le comte Franz jusqu'à la frontière. Je vous en donne ma parole, monseigneur. »« Allez, monsieur, je croise à votre parole. Je sais ce qu'elle vaut. Si vous la tenez, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. Ainsi, vous partirez à 6 heures. Faites tout préparer à l'instant. 10 barres vous remettra l'argent nécessaire au voyage. » Le major s'inclina. Vous direz au colonel Heidelberg d'introduire dans quelques instants monsieur l'envoyé du Mexique et la personne qui l'accompagne. Oui, monseigneur. L'officier salua profondément et sortit. Le prince, resté seul, se dit en décachetant lentement la lettre qu'on lui avait remise. Il faut sauver ce malheureux jeune homme de sa propre folie. Un pareil mariage, c'est insensé. Allons. Je suis d'ailleurs moi-même insensé de m'être un instant inquiété des suites de la folle passion de Franz, comme si je n'avais pas tout pouvoir sur lui. Ce n'est pas de la colère, c'est de la pitié que doit m'inspirer sa conduite. Au milieu de ces réflexions, le prince avait décacheté la lettre et jeté machinalement les yeux sur son contenu. Soudain, il bondit sur son fauteuil, ses traits hautains prirent une expression d'indignation courroucée et il s'écria « La marquise de Miranda, cette femme infernale, qui dernièrement encore a causé à Bologne tant de scandales, et presque une révolution, en exposant ce malheureux cardinal aux huées, aux fureurs de toute une populace, déjà si mal intentionnée, oh, à aucun prix, je ne veux recevoir cette indigne créature. » Et ce disant, le prince s'élança vers la porte, afin de donner l'ordre de ne pas laisser entrer la marquise. Il était trop tard. Les deux battants s'ouvrirent à ce moment devant elle, et elle se présenta, accompagnée de l'envoyé du Mexique. Profitant du silence causé par la stupeur de l'archiduc, stupeur dont il ne s'apercevait pas d'ailleurs, le diplomate s'inclina profondément et dit « Monseigneur, j'ose espérer que votre Altesse a bien voulu agréer les excuses que je viens d'avoir l'honneur de lui adresser par lettre au sujet de l'importante formalité que j'ai omise dans ma supplique d'hier. » Car je devais mentionner le nom de la personne en faveur de qui je sollicitais une audience de votre Altesse. J'ai réparé cette omission. Il ne me reste plus qu'à avoir l'honneur de présenter à votre Altesse Madame la Marquise de Miranda, qui porte l'un des noms les plus considérables de notre pays, et de la recommander à la bienveillance de votre Altesse. » Le diplomate, prenant le silence prolongé du prince pour un congé, s'inclina respectueusement et se retira, fort désappointé d'un accueil aussi glacial. Madeleine et l'archiduc restèrent seuls. La marquise était, selon son habitude, aussi simplement, aussi amplement vêtue que la veille. Seulement, soit hasard, soit calcul, une voilette de point d'Angleterre garnissait ce jour-là sa capote de crêpe blanc et cachait presque entièrement son visage. Le prince, dont les mœurs tenaient à la fois de la rudesse militaire et de l'austérité religieuse, son amour pour la mère de France avait été sa première et sa seule erreur de jeunesse, le prince considérait avec une sorte d'aversion inquiète cette femme qui, à ses yeux, symbolisait la perversité la plus profonde, la plus dangereuse. Car le bruit public accusait la marquise de s'attaquer de préférence, par ses séductions, aux personnes revêtues des caractères les plus imposants et les plus sacrés. Et puis enfin, la retentissante aventure du cardinal légat avait eu des conséquences si déplorables, au point de vue absolutiste de l'archiduc, qu'un sentiment de vindication politique augmentait encore sa haine contre Madeleine. Aussi, malgré ses habitudes de dignité froide et polie, il pensa d'abord à congédier brutalement l'importune visiteuse ou à se retirer dédaigneusement dans une pièce voisine sans prononcer une parole. Mais la curiosité de voir enfin cette femme, sur qui circulaient tant de rumeurs étranges, et surtout l'âpre désir de la traiter aussi durement qu'à son avis elle méritait de l'être, modifièrent la résolution du prince. Il resta donc. Mais au lieu d'offrir un siège à Madeleine, qu'il examinait attentivement à travers son voile toujours baissé, l'archiduc s'adossa carrément à la cheminée, croisa les bras, et la tête rejetée en arrière, le sourcil impérieusement relevé, il toisa la solliciteuse de toute la hauteur de sa morgue souveraine, se renferma d'abord dans un silence glacial, et ne dit pas à Madeleine un mot d'encouragement ou de banale politesse. La marquise, habituée à produire un effet tout autre, et subissant à son insu peut-être l'espèce d'intimidation qu'exerce souvent le rang suprême, surtout lorsqu'il se manifeste sous des dehors insolemment altiers. La marquise, décontenancée par cet écrasant accueil, le sentit d'autant plus vivement qu'elle avait davantage espéré de la courtoisie du prince. Pourtant, comme il s'agissait pour elle d'intérêts sacrés et qu'elle était vaillante, elle domina son émotion. Et ainsi que dit le proverbe espagnol naturalisé au Mexique, elle se résolut bravement à prendre le taureau par les cornes. S'asseyant donc négligemment dans un fauteuil, elle dit au prince, de l'air du monde le plus souriant et le plus dégagé, « Je viens, monseigneur, tout simplement vous demander deux choses. L'une, presque impossible, la seconde, tout à fait impossible. » L'archiduc resta confondu. Son rang souverain, la hauteur, la sévérité de son caractère, son inflexible rigueur pour l'étiquette, encore si puissante dans les cours du Nord, l'avait si habitué à voir même les femmes l'aborder toujours avec les respects les plus humbles, que l'on pense s'il fut abasourdi par la familière aisance de Madeleine qui reprit gaiement. « Vous ne répondez rien, monseigneur. Comment dois-je interpréter le silence de votre Altesse? Est-ce réflexion? Est-ce timidité? Est-ce consentement? Serait-ce enfin impolitesse? Impolitesse, non. Je ne puis croire cela. En touchant la terre de France, les esclaves deviennent libres, et les hommes les moins galants deviennent d'une exquise courtoisie. » Le prince, presque hébété par la stupeur et par la colère que lui causaient ces audacieuses paroles, resta muet. La marquise reprit en souriant. « Rien, pas un mot. Allons, monseigneur, décidément que signifie le mutisme prolongé de votre Altesse. Encore une fois, est-ce réflexion? Réfléchissez. Est-ce timidité? Surmontez-la. Est-ce impolitesse? Souvenez-vous que nous sommes en France et que je suis femme. Puis-je, au contraire, regardez votre silence comme un consentement aveugle à ce que je viens vous demander. Alors, dites-le-moi tout de suite afin que je vous apprenne au moins quelles sont les faveurs que vous m'accordez si gracieusement d'avance et dont je veux alors vous remercier cordialement. » Puis Madeleine ôtant son gant tendit sa main à l'archiduc. Cette toute petite main, blanche, délicate, frétillante, effilée, veinée d'azur, et dont les ongles allongés ressemblaient à des coquilles roses, attira malgré lui l'attention du prince. De sa vie, il n'avait vu pareille main. Mais bientôt, honteux, révolté de s'abandonner à une telle remarque dans un moment semblable, la rougeur de l'indignation lui monta au front. Et il chercha quelques mots souverainement dédaigneux et blessants afin d'écraser d'un seul coup de massue cette audacieuse dont l'outrecuidance avait déjà trop duré pour la dignité archiducale. Malheureusement, le prince était plus habitué à commander ses troupes ou à recevoir les hommages de ses courtisans qu'à trouver soudain des mots écrasants, surtout lorsqu'il s'agissait d'écraser une jeune et jolie femme. Cependant, il chercha. Cette cogitation sérénissime donna le temps à Madeleine de retirer sa petite main sous ses larges manches et de dire au prince avec un malin sourire « Il n'y a plus à en douter, monseigneur. Le silence de votre Altesse est de la timidité, et de la timidité allemande encore. Je connais cela. Après la timidité de savant, c'est ce qu'il y a de plus insurmontable et partant de plus vulnérable. Mais tout a des bornes. Aussi, voyons, monseigneur, remettez-vous. Je n'ai pourtant, je crois, rien en moi de très imposant, » ajouta la marquise, sans relever encore le voile qui cachait ses traits. L'archiduc jouait de malheur. Malgré toute sa bonne volonté, il ne trouva pas son mot écrasant. Mais, sentant combien sa position devenait ridicule, il s'écria « Je ne sais pas, madame, comment vous avez osé vous présenter ici. » Mais je m'y suis présenté avec votre agrément, monseigneur. Lorsque hier je vous ai accordé une audience, j'ignorais votre nom, madame. Et que vous a donc fait mon nom, monseigneur? Votre nom, madame, votre nom? Oui, monseigneur. Mais votre nom a été le scandale de l'Allemagne. Vous avez rendu païen, idolâtre, matérialiste, le plus religieux, le plus spiritualiste de nos poètes. Dame, monseigneur, répondit Madeleine avec un accent d'ingénu de village. « Ce n'est pas ma faute à moi. Ce n'est pas votre faute. Et puis, où est le grand mal, monseigneur? Votre poète religieux faisait des vers médiocres. Il en fait à cette heure de magnifiques. Ils n'en sont que plus dangereux, madame. Et son âme, son âme! Son âme a passé dans ses vers, monseigneur. Elle est maintenant deux fois immortelle. Et le cardinal légat, madame? Vous ne me reprocherez pas du moins, monseigneur, d'avoir agi sur l'âme de celui-là, il n'en avait point. Comment, madame, n'avez-vous pas assez avili le caractère sacré de ce prince de l'Église, de ce prêtre jusqu'alors si austère, de cet homme d'État qui, depuis 20 ans, était la terreur des impies et des révolutionnaires? Ne l'avez-vous pas livré au mépris, à la haine des gens pervers, car sans un secours inespéré, on le massacrait? Enfin, madame, n'avez-vous pas été sur le point de révolutionner Bologne? Ah, monseigneur, vous me flattez. Et vous osez, madame, vous présenter chez un prince qui a tant d'intérêt à ce que l'Allemagne et l'Italie soient calmes et soumises? Vous osez venir me demander quoi? Des choses que vous dites vous-même impossibles, ou presque impossibles? Et cette inconcevable demande, de quel ton me la faites-vous? D'un ton familier, railleur, comme si vous étiez certaine d'obtenir tout de moi. Erreur, madame, erreur. Je ne ressemble, je vous en préviens, ni au poète Moser Hartmann, ni au cardinal légat, ni à tant d'autres que vous avez ensorcelés, dit-on. En vérité, c'est à douter si l'on dort ou si l'on veille. Mais qui êtes-vous donc, madame, pour vous croire assez au-dessus de tous les respects, de tous les devoirs, pour oser me traiter d'égal à égal, moi, que les princesses des familles royales n'abordent qu'avec déférence. « Hélas, monseigneur, je ne suis qu'une pauvre femme, » répondit Madeleine. Et elle rejeta en arrière son voile, qui jusqu'alors baissé avait dérobé son visage au regard de l'archiduc.